Exercice 6, page 84. A. Vous notez son code? B. Vous donnez cet ordre? C. Vous êtes psychologue? D. Vous êtes astrologue? E. Rendez-vous au port. F. Mettez-vous au bord.